La présence attentive et la conscience supramentale. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! La personne qui commence à vivre la fusion avec l'esprit peut pratiquer la présence attentive dans le but de favoriser la perception avec plus de clarté de sa manifestation dans sa vie. Donc, la présence attentive peut être une pratique temporaire et transitoire, utile à l'intégration de la conscience supramentale. La présence attentive résulte du fait de porter intentionnellement son attention à ce qui se passe durant le moment présent. C'est un état de suspension du jugement de l'ego par rapport à l'expérience qui se produit à l'interne, émotions, sensations physiques, pensées et communication avec des entités, et externes de l'environnement, odeur, bruit, luminosité, température. Dans cette optique, la personne peut prendre une dizaine de minutes où elle suspend ses activités volontairement en s'assoyant dans une position confortable avec les yeux fermés pour être pleinement attentive à ce qui se manifeste à elle et en elle sans réfléchir. Lorsque l'individu vit la présence attentive, il ne colère pas ce qui se passe avec ses désirs, valeurs, peurs et croyances. Il est plutôt totalement disponible à ce qui arrive, soit le réel, qui se manifeste sur le plan physique ou psychique. Lorsque l'individu vit la présence attentive, il n'est pas dans les résistances, le déni et le mensonge à soi. Il porte un regard transparent sur la réalité. Il est alors disponible à regarder des choses qui ne font pas l'affaire de son ego. Donc, il est prêt à écouter ce qu'il ne veut pas entendre lorsqu'il réfléchit. Pendant que l'individu fait preuve de présence attentive, il ne juge pas l'expérience en fonction de ce qu'il croit bon ou mauvais. Il ne réfléchit pas sur son expérience avec l'intellect, de manière polarisée en termes de bien et de mal. Il est au-delà de ses concepts relatifs. Il ne filtre pas l'information en fonction d'éléments psychologiques, soit des croyances, des désirs, etc. Il perçoit la réalité à l'état brut, soit sans artifice. L'individu faisant preuve de la présence attentive s'avère ouvert par rapport à ce qui se passe, sans chercher à faire de l'évitement ou à l'amplifier. Il accepte la dimension transitoire de la vie et le fait qu'il n'est pas en plein contrôle de son existence en tant qu'ego. Il est neutre dans le mental. La présence attentive, c'est la manifestation d'un état en l'individu de disponibilité à la présence de son propre esprit. Elle n'est pas un état de résignation passive, mais plutôt un état de réception à ce qui émerge pour ensuite agir en conséquence et se mettre en action au besoin. Lorsque l'individu vit la présence attentive, il peut être disponible à écouter son esprit, alors que lorsqu'il réfléchit son expérience avec son intellect, il ne veut pas le percevoir pleinement. Il en a alors une perception déformée par sa réflexion. Plus il réfléchit et plus sa perception en est embrouillée. Par exemple, lorsqu'il est occupé à s'apitoyer sur son sort parce qu'il trouve difficile le fait qu'il vit une perte d'emploi, il n'est pas disponible pour entendre son esprit. Ce dernier peut lui dire d'aller porter son curriculum vitae à une autre entreprise où il pourrait se trouver un emploi qui serait davantage ajusté à son état vibratoire présent. Mais comme il est trop occupé à se plaindre, il ne l'entend pas et il continue à se créer un surplus de souffrance psychologique inutile avec la réflexion. Aussi, lorsque la personne est occupée à ressentir sur une longue période de temps de la tristesse parce qu'elle vit une rupture amoureuse qui l'amène à réfléchir de manière polarisée. Elle n'est pas dans la présence attentive. Elle ne s'avère pas disponible à son esprit qui peut lui dire qu'elle va rencontrer un autre partenaire dans 6 mois et que ce dernier va être plus ajusté à son taux vibratoire que celui qui vient de la quitter. La personne peut ressentir des émotions lorsqu'elle vit une rupture amoureuse, mais cela est inutile de les réfléchir continuellement. Ce comportement la coupe de sa communication avec son esprit et s'avère être une perte d'énergie. Cela s'explique parce que sa conscience est alors centrée sur le plan psychologique plutôt que psychique. Comme la personne ne peut pas pleinement être en contact avec son esprit lorsqu'elle réfléchit, elle doit mettre fin à ce processus pour vivre la présence attentive. Pour y arriver, elle doit exercer sa volonté de manière à ne pas donner de l'importance aux pensées polarisées qui peuvent émerger dans son mental. Elle doit être en mesure de s'en distancer. La présence attentive sert à suspendre la réflexion qui peut engendrer des émotions comme de l'anxiété et de l'inquiétude lorsque l'individu pense de manière polarisée à son expérience sur le plan psychologique. La présence attentive sert aussi à lui permettre d'intégrer ce qui se passe dans le « ici et maintenant » adéquatement. Voilà ce qui complète maintenant la lecture du texte s'intitulant « La présence attentive et la conscience supramentale ».